s'enseigne en douceur. Pas l'ombre d'un remords chez les Rockefeller. Par ici on éjecte sans commentaire tout l'espoir. Tout l'espoir qu'on espère. Hier, cadre exemplaire, aujourd'hui l'air de rien. Dans la classe à faire, passager clandestin. Il n'y a plus rien à voir, vous pouvez circuler. À présent, le rideau va tomber. J'ai en lieu à l'étage des cigares. Sous le charme des courbes, on prépare les départs. Marchandise reine où le produit est roi. Euro de la rouyenne, aujourd'hui même combat. Le prochain morceau est un morceau à propos de la couleur.